Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'histoire de Noëlla Rouget, la déportée qui a fait gracier son bourreau. À 100 ans, Noëlla Rouget est l'une des dernières victimes à pouvoir témoigner de l'horreur des camps de concentration. Elle avait 23 ans lorsque, résistante, elle fut déportée en Allemagne, à Ravensbrück, surnommée l'enfer des femmes. Pendant 14 mois, heureusement, il y a cette puissante sororité. Sans ses compagnes de déportation, dit Noëlla, elle n'aurait jamais tenu. Sans Dieu non plus. Derrière les blocs, cette fervente catholique ne pouvait s'empêcher de prier pour ses geôlières, pour qu'elles retrouvent leur part d'humanité. C'est cette même foi en Dieu et les hommes qui poussera Noëlla Rouget, 20 ans plus tard, à s'engager contre la peine de mort. En 1962, Jacques Vasseur, le collabo qui a précipité l'assassinat de son fiancé et sa déportation, est arrêté après 17 ans de cavale, terré comme un rat dans un grenier chez sa mère. À son procès, elle écrit au président du tribunal pour le supplier de ne pas le condamner à mort. Surhumaine supplique. Mais la grâce est-elle synonyme de pardon? Nous reviendrons sur cette question à la lumière du récit. Nos invités aujourd'hui, Brigitte Echaquet-Monnier et Éric Monnier, un couple franco-suisse qui vit à Genève. Ce duo féru d'histoire a découvert ce personnage hors norme il y a 10 ans et s'est lancé avec une dévorante passion dans sa biographie intitulée « Noëlla Rouget, la déportée qui a fait gracier son bourreau », paru en juin 2020 aux éditions Taillandier. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Opinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Samedi 10 novembre 1962, La Madeleine, petite commune en périphérie de Lille. Il est midi lorsque les gendarmes Castel et Passetemps se rendent au 56 rue Jeanne Mayotte. Une visite de routine. Depuis la Libération, il y a 17 ans, les brigadiers passent régulièrement dans cette modeste maison de briques rouges, construite sur 3 étages. C'est ici que vit Madame Yvonne Vasseur, une petite dame solitaire, apparemment sans histoire. Si ce n'est son fils unique. Il s'appelle Jacques, né en 1920. Pour la plupart des Français de l'époque, ce nom n'évoque rien d'autre. En revanche, certains ne l'oublieront jamais. De triste mémoire, il le surnomme l'homme à l'arrêt au milieu. Français, je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte. Le 17 juin 1940, Jacques Vasseur a 20 ans lorsque résonne sur les ondes de la TSF la voix chevrotante du maréchal Pétain. Le nouveau chef du gouvernement appelle à cesser le combat, annonce l'armistice à venir et souhaite, je cite bien sûr, que tous les Français se groupent autour du gouvernement pendant ces dures épreuves. Jacques prendra ses mots au pied de la lettre, sans se faire prier. Germanophone et germanophile, de grand-mère allemande, il est fasciné par la montée du nazisme qu'il observe lors de ses vacances outre-Rhin. En France, il grandit à Angers, intègre HEC à Paris, puis au décès de son père, revient à la maison chez sa mère. Il entretient avec elle une relation fusionnelle et castratrice. Yvonne l'a déguisée en fille jusqu'à l'âge de la scolarité. Il n'a jamais eu de relation sexuelle avec une femme pour ne pas faire de peine à maman, dit-il. Au lendemain de la défaite française, Vasseur adhère très vite au Parti franciste, l'un des grands mouvements collaborationnistes. Puis en 1942, à tout juste 22 ans, il est embauché comme interprète à la Sicherheitsdienst, ou SD, un service de la Gestapo. Éduqué, de famille aisée, il ne ressemble pas à la plupart de ses collègues, déclassés, eux, ou marginaux, que les Allemands embauchent régulièrement comme supplétifs dans leur guerre mafieuse. Vasseur se fait aussi remarquer par son zèle et son cynisme. Il prend rapidement du galon et devient peu à peu un rouage essentiel du bureau d'Angers de la SD. Pascal Tellier, attaché de conservation aux archives départementales 49, le raconte sur France 3 en 2014. Lui se présente comme simplement un interprète, mais il a eu un rôle beaucoup plus important. Il avait, en fait, sous ses ordres, une bande de Français qui étaient chargés notamment de la répression contre les résistants, d'infiltrer les milieux de la résistance. Un Ainsi, Jacques Vasseur infiltre puis démantèle plusieurs réseaux résistants de la région et participe aux séances de torture dans les locaux de la Gestapo d'Angers. Les survivants raconteront sa méticulosité, sa jubilation et son sentiment de toute puissance quand il assène des coups de nerf de bœuf à ses victimes ou le supplice de la baignoire. Pour tous, ce bourreau est l'homme à l'arrêt au milieu, bientôt nommé à la tête de la section 4 de la SD, chargée de la répression des activités anti-allemandes, dont des résistants. À la libération, il sera personnellement rendu responsable de 430 arrestations, 310 déportations et 230 morts, fusillés ou éliminés par le régime concentrationnaire. Le 11 septembre 1945, la Cour de justice d'Angers le condamne à mort, mais par contumace. Car après avoir fui en Allemagne, Vasseur s'est évaporé. À peine sait-on que sa mère, Yvonne, est revenue s'installer dans sa ville natale, en périphérie de Lille. Alors, depuis, les brigadiers de la Madeleine ont pris l'habitude de passer la voir, au 56 rue Jeanne Mayotte. Et à chaque fois, Yvonne leur répète qu'elle n'a malheureusement aucune nouvelle de son fils. « Il doit être mort », ajoute-t-elle en soupirant. En 1962, les visites se font plus rares, à peine ou deux fois par an. Ce 10 novembre, c'est donc les gendarmes Castel et Pastan qui s'y collent. La porte d'entrée est ouverte, ils entrent sans frapper. Depuis la cuisine, une voix résonne. « C'est toi, maman ?» Les brigadiers se pincent pour y croire. Jacques Vasseur, le chasseur devenu gibier, est découvert. Depuis 1945, et pendant 17 ans, il était donc là, caché par sa mère, reclus dans le grenier. Pour préserver ce secret, Yvonne n'a rien laissé au hasard, allant jusqu'à acheter ses deux beefsteaks dans les boucheries différentes. Le collabo qu'il reste, parce qu'il a été jugé comme tel par la justice, n'a cessé d'étudier. Sous les combles aménagés, il apprend 8 langues, traduit Tchekhov et Dostoïevski, et réalise même une anthologie de 6000 proverbes de tous les pays. C'est vrai que dans la vacuité de sa vie minable, il n'a rien d'autre à faire. Ce 10 novembre 1962, la visite inopinée des gendarmes met donc fin à la très mauvaise plaisanterie. On a retrouvé le monstre du Maine-et-Loire. Il se rend sans résister, presque soulagé. Vasseur, à 42 ans, plus de raies au milieu, mais une fine moustache et le teint blafard, il n'a pas mis le nez dehors depuis 17 ans, comme un mort-vivant. Appelé à l'identifier, ses victimes le reconnaissent au premier regard. À l'instar du résistant Maurice Leteuil, déporté à Buchenwald le 14 mai 1944. Il témoigne dans le documentaire Chronique d'une ville occupée, Saumur, réalisé par Fernando Gomez Monroy en 2005. Quand on a su que Vasseur était retrouvé, on a été convoqué d'abord à Paris, ensuite en Rennes, où j'ai été confronté avec Vasseur. Et c'était une confrontation plutôt musclée qu'il y a eu. Parce que ma sœur, au bout d'un moment, les instructions lui demandent « Monsieur Leteuil, ma sœur, est-ce que vous reconnaissez le monsieur ?» etc. Il ne me répondait pas, puis 3 minutes après, il n'avait pas encore répondu. Et puis au bout d'un moment, je dis au juge d'instruction « Est-ce que c'est possible que je lui pose une question ?» etc. On dit « Oui, oui, d'accord. » Et je lui pose la question « Tu ne me reconnais pas ? Je m'appelle Maurice Leteuil, tu es venu m'arrêter à Neuillet, etc. » Alors il s'est permis de dire, mais monsieur le juge d'instruction, je vous remarque que monsieur Leteuil me tutoie. Je ne tutoyais plus, après j'étais rentré de l'autre côté du bureau et je lui mettais une paire de claques qui, si il a une bonne mémoire, il s'en rappelle encore. Pour nous, c'est un criminel. Le 20 mars 1964, 1 an et demi après l'arrestation de Vasseur, c'est au tour d'une autre survivante de venir témoigner au service régional de la police judiciaire d'Annecy. Elle s'appelle Noëlla Rouget. Elle a 44 ans et presque autant de combats. Elle aussi, elle a bien changé depuis sa dernière confrontation avec le collabo en chef. C'était il y a 20 ans. Elle s'en souvient comme si c'était hier. Comment pourrait-elle l'oublier ? Noëlla Podos, c'est son nom de jeune fille, est née à Saumur le 25 décembre 1919. Son prénom en témoigne, Noëlla. Son père, Clément, est fonctionnaire des chemins de fer. Sa mère, Marie, est femme au foyer. Noëlla est une enfant joyeuse, espiègle, élevée dans une profonde foi catholique. Gamine, elle est placée dans le pensionnat Saint-Lô, une institution privée réputée d'Angers. Son grand frère, Georges, sera ordonné prêtre dans les années 30. Au printemps 1940, lorsque les Allemands débarquent dans le Maine-et-Loire, elle a 20 ans, le bac en poche et un poste d'institutrice à Angers. Très vite, la ville devient le siège d'une importante administration allemande qui sévit dans tout l'ouest de la France. Les nazis imposent leurs lois, réquisitions contraintes, vexations, intimidations et répressions impitoyables. D'emblée, Noëlla vit cette occupation comme une grande souffrance. Elle enrage, elle s'indigne, la liberté chevillée au corps. La résistance sera ainsi et logiquement son premier combat. Comme elle le raconte en 2005, dans le documentaire Noëlla Rouget, témoigner un acte de résistance réalisé par Véronica Janjic. Ce fut par hasard un jeune étudiant dont j'avais fait la connaissance et à qui je disais mon ras-le-bol de cette occupation pesante et je lui demandais si on pouvait faire quelque chose. Il me dit que pour sa part, il distribuait des tracts. Il me proposa de l'aider, ce que je fis, je distribuais des tracts, puis après j'en reproduis avec une machine à écrire, avec une machine à polycopier, après je distribue des journaux interdits, des journaux clandestins, après on me demande de faire la mission d'agent de liaison. Donc à cette période je rencontrais beaucoup de gens inconnus de moi dont on me donnait un signalement. Et je l'ai rencontré dans un endroit précis et leur délivré avec un mot de passe. Je leur délivrais soit une valise, soit une serviette, soit une lettre dont j'ignorais totalement le contenu. C'est au hasard d'un tract qu'elle rencontre Adrien Tigeot, un beau garçon sérieux et doux. Passé par l'école normale, il est aussi instituteur et a rejoint la résistance dans un réseau rattaché au Front National d'Obédience Communiste. Noëlla préfère le décrire comme un humaniste. Ils ont cela en commun et ils ont l'amour en partage. Ils se fiancent, mais le 7 juin 1943, alors que les bans du mariage viennent d'être publiés, Adrien est arrêté dans son école, conduit à Angers puis incarcéré dans la prison de Prépigeon. Deux semaines plus tard, le 23 juin 1943, on sonne à la porte du domicile familial de Noëlla. Deux hommes de la police allemande se présentent en civil pour une perquisition. Ils sont plutôt corrects. L'un parle avec un fort accent, l'autre parfaitement français. C'est Jacques Vasseur. Une heure et demie plus tard, sans rien avoir trouvé de compromettant, ils embarquent Noëlla et son frère Georges au siège de la Gestapo. Lorsque leur mère tend une veste à ses enfants, Vasseur lui lance « Ce n'est pas la peine, ce ne sera pas long ». Georges rentre en effet chez lui au bout de quelques heures, mais Noëlla, 673 jours plus tard. La jeune résistante est incarcérée à son tour dans la prison du Prépigeon. Tombée aux mains de Vasseur, elle est interrogée à 4 reprises et dit n'avoir eu à subir que des gifles. Arrive alors le moment d'une confrontation avec son fiancé, Adrien Tigeot. Elle manque de s'évanouir en le voyant apparaître. Il est méconnaissable, le visage tuméfié. Ce sera la dernière fois qu'elle le verra. Le 13 décembre 1943, après 6 mois d'incarcération, il est fusillé avec 6 camarades dans la clairière de Belbeille. Juste avant d'être conduit au poteau, il écrit un mot d'adieu à sa fiancée. Angers, le 13 décembre 1943. Mon grand amour. Je te quitte pour toujours. Comme j'aurais voulu vivre avec toi, contre ton cœur, t'aimer passionnément avec toute mon âme. Puisque je ne suis plus, il faut que tu m'oublies, ma chérie. Que tu vives. Notre grand amour est fini, il faut que tu guérisses ta plaie. Que tu aimes encore. Ne fais pas un mariage de raison, surtout, ma Noëlla adorée. Aime ton mari. Sois heureuse, très heureuse. Fais-le pour moi. Je meurs en chrétien. J'essaie de croire en Dieu. Prie pour moi pour que nous puissions vivre heureux, très heureux, longtemps, au ciel. Je t'embrasse avec tout mon cœur, mon grand amour, mon seul amour. Adieu. Adieu. Didi. Noëlla ne découvrira cette lettre qu'à la libération. Le 9 novembre 1943, après plusieurs mois de détention au Pré-Pigeon, elle est envoyée sans autre forme de procès au camp de Compiègne. 3 mois plus tard, elle écrit à ses parents « Je serai transférée dans un autre camp, n'envoyez plus de colis, attendez ma nouvelle adresse. » Le lendemain, 31 janvier 1944, elle est déportée au camp de Ravensbrück avec 959 autres femmes. Leur identité se résume désormais à un matricule, compris entre les numéros 27030 et 27988. Leur convoi entrera dans l'histoire comme celui des 27 000, le seul dont la liste exhaustive sera sauvée de la destruction. La plus âgée d'entre elles, Émilie Tillion, la mère de Germaine, a 77 ans, la plus jeune en a 17. Sur les quais de la gare de Compiègne, certaines ont encore le courage de chanter à tue-tête la Marseillaise ou l'Internationale. Et puis c'est la peur qui étrangle. Elles sont embarquées dans ces fameux wagons à bestiaux, si nombreuses qu'elles ne peuvent ni s'asseoir, ni respirer. Après 3 jours de voyage, un seau pour seule toilette, la puanteur est insoutenable. Dans la nuit du 2 au 3 février 1944, elles arrivent à Ravensbrück. Construit en 1939, perdu dans les forêts de Brandebourg, au nord de Berlin, il est le seul camp exclusivement réservé aux femmes et aux enfants. Au total, 123 000 détenus y seront déportés, près d'un quart n'y survivront pas. Dans l'émission « Il faudra que je me souvienne », diffusée sur l'ORTF en 1967, l'avocate et résistante René Mirand-Laval raconte son arrivée à Ravensbrück et le début du processus de déshumanisation. Puis nous sommes arrivés dans ce camp où tout de suite nous n'avons pas vu grand-chose. Nous étions 250 et on nous a fait entrer immédiatement dans une espèce d'énorme et ahurissante salle de douche avec des clés par terre, plein d'eau sale. C'était l'eau d'un convoi précédent. Et puis tout de suite, on nous a crié par 5, il a fallu se ranger, la lumière s'est éteinte et nous sommes restés une nuit entière comme ça, debout ou alors dans l'eau, jusqu'au matin. Et ce fut alors le déshabillage. On nous a entraînés vers une pièce à côté pour nous dépouiller de tout, vêtements, de tous les objets. Je me souviendrai toujours que j'avais gardé comme la chose la plus précieuse une belle photo de mes 2 tout-petits, car j'avais déjà 2 tout-petits. Et les SS se sont appelés les unes les autres et ont admiré, oh, je verrai toujours, leur visage admiratif et leur voix disant « Ah, schöne, prima !» Et puis, en me regardant, elles ont jeté par terre la photo des petits et se sont essuyées les pieds dessus. J'avais compris et on voulait sans doute me dire que pour moi, c'était fini. Noëlla est envoyée au bloc 27. D'abord affectée à d'épuisants travaux en forêt, elle devient une Verfügbar, une disponible. Ce terme est donné par l'administration nazie aux déportés rebelles, corvéables à merci, et surtout pour les travaux les plus terribles, comme le ramassage des cadavres. Ses compagnes de misère, elle la surnomme personnage, peut-être parce qu'elle est née en hiver. Pendant 14 mois, dans cet enfer, elle côtoie les pires atrocités qu'un individu puisse vivre et la plus belle des solidarités féminines également. Noëlla se lie notamment d'amitié avec Denise Jacob, alias Mirka, la sœur de Simone Veil. Et c'est avec Geneviève de Gaulle, la nièce du général, qu'elle tisse les liens les plus forts. Leur foi profonde, vivante, et les origines angevines de la mère de Geneviève les rapprochent. Elles organisent souvent des prières à l'arrière du bloc. Le soir, sur sa paillasse, Noëlla aime aussi se réciter le poème de Dubélé, Heureux qui commulisse. Un instant de liberté arraché à la mort, dont elle se souvient encore 80 ans plus tard, en février dernier, sur la RTS, la radio-télé suisse. Elle est alors âgée de 100 ans. Heureux qui commulisse. A fait un beau voyage, comme celui-là, qui conquit la toison, et puis j'ai retourné plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents le reste de son âge. Ah oui, c'est beau. Le combat de Noëlla sera désormais celui de la survie. Début 1945, sa santé, comme celle de tant d'autres camarades, se dégrade. Couverte de poux, elle souffre du typhus et de pleurésie. On finit par l'envoyer dans l'antichambre de la mort, le revier, le pseudo-infirmerie. Par miracle, elle en ressort quelques jours plus tard, mais loin d'être guérie. Le lendemain, toutes celles qui étaient restées au revier sont conduites à la chambre à gaz. C'est là, le cœur serré, qu'elle verra se diriger son amie Émilie Tillion, la mère de Germaine. À partir du mois de janvier 1945, des négociations sont entamées avec la Croix-Rouge et la Suède afin d'organiser l'évacuation des déportés. Le 5 avril 1945, après des jours d'incertitude, les portes du camp s'ouvrent enfin pour Noëlla et les 300 premières femmes françaises libérées. C'est une femme dévastée physiquement et moralement qui arrive à Kreuzlingen, petite ville suisse au bord du lac de Constance. Elle pèse 32 kilos et souffre d'abcès tuberculeux. « J'étais mourante, » dira-t-elle, « et quand on nous a rapatriés via la Suisse, j'ai demandé à regagner la France, ma terre angevine natale, pour mourir en paix. » Days till we lost our way. Hey, do you recall when the war was just a game? Now the wind ventures to other planes. Hey, will I see you again? If I could restrain whistles and blows all sounds away. Hey, could we be close again? Dans les camps, nous avons été appelés à voir, par les circonstances, le plus abject de l'homme chez nos bourreaux, mais le plus sublime chez certaines déportées. Oubliés, nous en aurions évidemment l'envie, mais il se fait que ce que nous avons vécu est inscrit d'une façon irrévocable au fond de nous-mêmes et que dans les circonstances de la vie journalière, tendent à nous le rappeler. Un bruit, une intonation, une odeur. Et très vite, nous sommes revenus au camp. En 2005, Noëlla Rouget, 85 ans à l'époque, se raconte dans le documentaire réalisé par Véronica Janjic, Noëlla Rouget témoignait un acte de résistance. Témoigner, le mot revient tout le temps. Témoigner pour ne pas oublier, pour que l'histoire ne se répète pas. Témoigner pour donner un sens au présent. Mais Noëlla, comme tant d'autres rescapés des camps, mettra des dizaines d'années avant de pouvoir raconter avec ses mots comment la mort s'est mise à l'ouvrage. En 1945, son récit n'intéresse personne. Non, l'heure est à la liesse, au tricolore, à l'illusion d'un peuple tout entier résistant. Les mots n'avaient pas la même densité pour les gens que pour nous. Ça m'a coupé l'envie de parler, explique Noëlla. Autour d'elle, l'euphorie des retrouvailles laisse place au silence et au désarroi. Le 16 avril 1945, après 14 mois de déportation à Ravensbrück et une courte escale en Suisse, Noëlla, 25 ans, regagne enfin sa terre angevine. Le même jour, son grand frère adoré, Georges, écrit dans son carnet cette énumération bouleversante. Jour de la Saint-Bernadette, arrivé à Angers. À la maison, les œufs au lait, l'objet tombé, les pleurs de papa, 32 kilos, le jour à travers les mains, les yeux hagards, les cauchemars, adénite au sein, médecin, tous les jours, pendant 3 mois. En effet, malgré l'amour des siens, la santé de Noëlla reste précaire. Elle souffre d'abcès tuberculeux dont elle mettra plus de 20 ans à guérir. Guérir, aimer, vivre. Ce sont aussi les mots écrits par son fiancé Adrien juste avant de mourir et dont elle découvre aujourd'hui la lettre posthume. Finalement, à l'été 45, et sur les conseils de son amie Geneviève de Gaulle, elle part se requinquer à Châteaudet, en Suisse, dans le cadre des séjours organisés par l'ADIR, l'Association des déportés et internés de la Résistance. Elle y retrouve ses sœurs. Entre elles, un regard, un geste, un soupir suffisent à se comprendre. Quand nous nous retrouvions, nous, les rescapés de la mort, c'était toujours très vivant. Oui, nous étions vivantes, dira-t-elle plus tard, comme en 2015, dans ce reportage diffusé sur France 3. C'est plein de chouettes souvenirs. C'était lié surtout à l'amitié très forte qui régnait entre nous. Après les vilaines années que nous avions vécues, c'était très réconfortant d'être là avec ces sentiments si forts de solidarité. Noëlla passe 8 mois de convalescence à Châteaudet, un lieu de retour à la vie, à l'amour aussi. Un soir de bal, elle rencontre André Rouget, un jeune voix de 26 ans qui fait ici son service militaire. 2 ans plus tard, en 1947, il se marie et s'installe à Genève où le couple a 2 garçons, Patrick et François. Les années passent, ce sont celles de la résilience. Noëlla devient alors cette quadragénaire élégante, catholique fervente et toujours très active au sein de la DIR, devenue sa seconde famille. À la maison, en revanche, elle doit cacher ses blessures passées, trop dures à entendre pour son mari qui impose le silence. Les épisodes de dépression se succèdent, l'équilibre familial vacille, le mot déportation devient tabou, comme le racontent en 2020, cette année, ses 2 fils interrogés par la RTS. C'est quelque chose qui était tabou, on ne peut pas parler dans la famille, c'est pas possible. C'était pas possible. C'était très douloureux pour ma mère. Effectivement, elle avait un stress post-traumatique, il y avait des cauchemars nocturnes, et puis il y avait des réminiscences, dès qu'il y avait un pétard dans la rue, elle sursautait. Et puis soudain, en 1962, le passé refait surface. Noëlla apprend que son bourreau, Jacques Vasseur, vient d'être retrouvé, reclus pendant 17 ans dans le grenier de sa mère. Elle le confronte une première fois à Annecy, dans le bureau du juge d'instruction, puis le retrouve quelques années plus tard, au moment de son procès. Mercredi 20 octobre 1965. 3 ans après son arrestation, Jacques Vasseur, déjà condamné à la peine de mort par contumace 20 ans plus tôt, comparaît devant la Cour de sûreté de l'État à Paris. Pendant 15 jours, 196 témoins, dont Noëlla et son frère Georges, se succèdent à la barre, rappelant un à un l'abominable litanie des exactions de la sœur. Lors des premiers interrogatoires, l'accusé nie tout en bloc, ou alors, quand il ne peut contester l'évidence, il minimise. Il n'était qu'un simple interprète, dit-il, avant d'affirmer avoir aidé des gens et même être victime de l'ingratitude humaine. Le prix requis pour ces ignominies, tout le monde s'en doute, sera la mort. Mais Noëlla ne peut s'y résoudre. Non, Au nom de sa foi chrétienne, elle a toujours été farouchement opposée à la peine capitale. Un autre combat, là encore. Alors, le 2 novembre 1965, avant la phase finale du procès, elle écrit au président du tribunal en faveur de son bourreau. Extrait. Les horreurs vécues sous le régime concentrationnaire m'ont sensibilisé à jamais à tout ce qui peut porter atteinte à l'intégrité tant physique que morale de l'homme. Et j'ai rejoint les rangs de ceux qui pensent que s'il faut combattre l'erreur, nous n'en avons pas pour autant le droit de disposer de la vie de celui qui a erré. Qu'il faut lutter contre la maladie et non tuer le malade. En un mot, de ceux qui font campagne pour l'abolition de la peine de mort. Vasseur mort. Nous serions vengés, certes, mais notre cause d'hier n'en sortirait pas grandie, et nous nous sentirions moins bonne conscience pour accuser nos bourreaux d'autrefois, devenus bourreaux nous-mêmes, fût-ce par procuration. Et puis si l'on veut bien y réfléchir, d'un côté nos milliers de morts, nos souffrances, de l'autre, la mort de Vasseur, cela ne fera jamais le poids. Mais cet appel à la clémence, inédit, ne sera pas entendu. Le 7 novembre 1965, après seulement trois quarts d'heure de délibération, Vasseur est condamné à l'échafaud. Mais Noëlla ne se décourage pas. Quelques mois plus tard, elle écrit cette fois directement au président de la République, Charles de Gaulle. Elle évoque une nouvelle fois sa foi en son pays et en son chef, lui, le général, qu'elle a suivi dans la résistance avec l'élan de ses 20 ans. Elle le supplie, au nom également de l'affection qu'il a liée à sa nièce Geneviève, d'user de son droit de grâce en faveur de Jacques Vasseur. Un mois plus tard, le général accède à sa requête. La peine est transformée en réclusion perpétuelle. Mais l'attitude de Noëlla Rouget est largement incomprise des autres victimes qui la considèrent comme une traître à la cause. Elle en souffre, bien sûr, mais ne dévie jamais du chemin qu'elle croit juste, celui de sa conscience. Dans son combat, elle pourra aussi compter sur le soutien indéfectible de Geneviève de Gaulle, comme lors de cette intervention en 1967 dans l'émission « Il faudra que je me souvienne ». J'ai toujours éprouvé, au moment de chaque procès, le sentiment de ce qu'il y a de dérisoire, vous comprenez? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on demande la vie, la mort de quelqu'un. Et puis quand on pense à tous ces millions d'êtres assassinés, et à tout ce qu'ils ont connu avant leur mort, le désespoir terrible, qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce que les juges peuvent dire? Et pourtant, il faut le faire. Dans le combat de Noëlla contre la peine de mort, il y a aussi cette croyance, cette certitude d'une possible rédemption pour tous. Elle aimerait à présent, Noëlla, l'aider à prendre conscience de ses actes passés et à se repentir. Ainsi, pendant des années, elle va correspondre avec Vasseur, incarcéré à la prison de Fresnes, puis à la centrale de Melun. Elle écrit aussi régulièrement à sa mère, Yvonne. Au total, une cinquantaine de lettres qui s'échelonnent entre décembre 1965 et décembre 1982. De cet improbable échange entre la résistante et le collabo, il demeure beaucoup plus que la seule volonté de pardonner. Chaque fois, Noëlla essaie de soutenir le peu d'humanité qu'il y a chez Vasseur et en même temps lui insuffler du courage pour le reste de sa peine. Dans ses réponses, toujours respectueuses, Vasseur, lui, ne cesse de louer sa grandeur d'âme tout en se plaignant de ses propres conditions de détention. Il écrit son ennui en ces lieux où, je le cite, « le temps stagne, gris et monotone, nous vivons comme ces arbres puissants au bord d'un canal mort, boueux, sur lequel jamais rien ne passe. » Ah oui, ça s'appelle la prison, ça n'a pas vocation à être agréable. Noa lui répond alors, « j'ai eu aussi cette impression 2 années de ma vie, et sur ce canal, contre toute attente, a soufflé un jour un grand vent, celui de la libération. Depuis lors, des hommes et des femmes rencontrés sur mon chemin, même peu nombreux par rapport à la masse, m'ont fait oublier la boue du canal. » Jamais Vasseur n'exprimera ni remords, ni le moindre signe de repentance. Mais Noëlla garde le lien, malgré tout. Dans les années 70, elle participe même activement à une campagne afin que sa peine soit allégée. Le président Pompidou la ramène finalement à 20 ans de réclusion. Avec la remise de peine, le détenu est libéré en octobre 1983. Sa libération n'est rendue publique que 4 mois plus tard. Les caméras France 3 se rendent à la Rangée pour recueillir le témoignage d'anciens résistants qui s'inquiètent de voir leur bourreau se réinstaller en ville. Henri-Louis Deneuf pense d'ailleurs l'avoir aperçu. J'ai rencontré Vasseur, je suppose tout au moins avoir rencontré Vasseur samedi dernier, à côté de la poste d'Angers, de la Grande Poste. J'ai eu un petit moment, de recul, et je suis parti, et j'en ai pas dormi la nuit, et réellement, je pense bien que c'était lui. J'ai reconnu surtout son grand front. Et dans le temps, il était coiffé avec une raie au milieu, et il y a quelque chose qui ne peut pas me tromper, c'est que c'était bien lui. Le fantôme de Vasseur continue de le hanter. Pourtant, son bourreau est déjà loin. En détention, il correspondait aussi avec une bibliothécaire allemande, Johanna, qu'il a épousée en 1974. 10 ans plus tard, à sa sortie de prison, il la rejoint à Heidelberg, dans le Bade-Wurtemberg. Une fois encore, Vasseur disparaît des écrans radars français et ne donnera plus de nouvelles à Noëlla. En Allemagne, il continue d'écrire et d'étudier, publie même des livres d'astronomie ou des histoires pour enfants. Mais bon, 17 ans dans un grenier et 20 ans derrière les barreaux, le comportement de Vasseur pendant toutes ces années n'aura pas été tout à fait impuni. Il meurt le 7 février 2009 à l'âge de 89 ans, sans jamais avoir connu la rédemption. À aucun moment il n'aura renié ses anciennes convictions. Noëlla Rouget non plus. Et c'est ce qui compte à ses yeux. Toute sa vie, elle aura suivi la règle d'or de l'Évangile. Ne pas faire à autrui ce que l'on n'accepterait pas pour soi, c'est tout simple, mais cela requiert un sacré courage et surtout un esprit de résistance. Pardon pour cette fille que l'on a fait pleurer. Pardon pour ce regard que l'on quitte en riant. Pardon pour ce visage qu'une larme a changé. Pardon pour ces maisons où quelqu'un nous attend. Et puis pour tous ces mots que l'on dit, mots d'amour, et que nous employons en guise de monnaie, et pour tous les serments qui meurent au petit jour. Pardon pour les jamais, pardon pour les toujours. Pardon pour les hameaux qui ne chantent jamais. Pardon pour les villages que l'on a oubliés. Pardon pour les cités où nul ne se connaît. Pardon pour les pays faits de sous-officiers. Pardon d'être de ceux qui se foutent de tout et de ne pas avoir chaque jour essayé. Puis pardon encore, et puis pardon surtout de ne jamais savoir qui doit nous pardonner. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter aujourd'hui, l'histoire de Noëlla Rouget ou le grand pardon. Avec nos invités Brigitte Échaquet-Monnier et Éric Monnier au téléphone avec nous en Suisse. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes les auteurs d'une biographie passionnante sur Noëlla Rouget, intitulée « Noëlla Rouget, la déportée qui a fait gracier son bourreau », parue en juin dernier aux éditions Talendier. Alors j'ai dit le grand pardon, mais la question est importante. Est-ce que, en l'occurrence, et dans cette histoire, la grâce que demandait Noëlla Rouget pour que Vasseur ne soit pas condamné à mort, est-ce que la grâce est synonyme de pardon ? Oui, alors si je prends la parole, Éric Monnier, c'est une question qu'on n'a pas totalement résolue. Non, la grâce n'est pas ce qu'elle aurait voulu, c'est qu'il demande. pardon. Et ça, il ne l'a jamais fait. Comme vous l'avez bien expliqué dans le récit qui a précédé, Vasseur est resté droit dans ses bottes, il n'était qu'un rouage minime de tout ça, et ce pardon qu'elle espérait-on qu'il lui demande n'est jamais venu. Dans le récit, nous sommes passés un peu vite sur les quelques mois d'incarcération de Noëlla à la prison du Pré-Pigeon. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, notamment comment elle fut traitée? Elle est restée 3 mois à l'isolement, la première d'une longue série d'épreuves, Brigitte Echarquemonnier. Oui, ça a été une première épreuve, mais Noëlla l'a étrangement très bien supportée. Elle était, comme vous l'avez dit, espiègle et de nature très gaie. Elle a même noué des liens avec ses gardiens, leur ravaudant les chaussettes ou je ne sais quoi. Mais par contre, elle avait des liens avec sa famille qui pouvaient la nourrir parce qu'elle n'était pas du tout bien nourrie en prison. Et son frère amenait chaque jeudi un sac avec du linge et des repas. Et elle raconte ça avec une légèreté complètement déconcertante dans ses lettres officielles. Et puis elle s'est mise à faire des lettres clandestines qui sont d'une saveur étonnante, où elle demande des tissus pour pouvoir coudre. Elle fait même des patrons sur les lettres. Elle explique dans ses lettres clandestines comment elle est située dans la prison et comment elle peut correspondre avec Adrien. C'est vraiment très, très étonnant. Elle garde cette joie de vivre quelque part, même si elle pleure parce qu'elle a été à l'isolement très longtemps avant d'avoir une compagne, Yvonne Marchand, qui est venue la rejoindre dans sa cellule. Quels sont ces actes de résistance? Parce que, évidemment, la résistance, il y était à plusieurs niveaux, des niveaux différents. Quelles étaient ces actions, concrètement? Alors, les actions que nous savons, ce sont vraiment des transports de lettres, de matériel. Bon, elle pense même avoir transporté des armes avec son vélo dans une valise. Bien sûr, elle ne savait pas, mais elle a su après coup qu'effectivement, elle avait transporté une fois, en tout cas, des armes. Éric Monnier, vous êtes historien et bibliothécaire à la retraite, mais vous restez dans l'esprit historien et dans les livres. Comment êtes-vous arrivé à vous intéresser à cette vie hors norme de Noëlla Rouget? Alors ça, c'est toute une histoire, si je puis dire. Ben, allez-y. Au fond, le premier maillon de cette histoire, de la rencontre avec Noëlla, il date de 2009, et c'est plutôt grâce à Brigitte que l'histoire est partie. En effet, en 2009, Irène Gander et Dubuis, qui était la nounou de toute la famille Echarquet, de ma femme et de ses deux frères et de sa sœur, ce jour-là, elle dit à Brigitte, tu sais, j'ai tenu une maison pour un déporté, et de sortir d'un tiroir d'une commode un livre d'or dont la première page portait la signature de Geneviève de Gaulle. Alors là, Brigitte, moi j'étais pas là ce à ce moment-là, Brigitte lui dit, mais enfin, Geneviève de Gaulle, comment t'as connu? Oui, j'ai connu. Bon, et Irène était une femme très modeste, mais voilà, elle livre ce livre d'or qui contenait toute une série de témoignages des déportés qui étaient venus pour ce séjour de convalescence à Châteaudet. Et puis, il y a aussi des photos. Enfin, tout de suite, on dit, mais on est sur quelque chose d'intéressant, d'incroyable, d'inconnu. Et nous avons décidé assez rapidement d'en faire un livre. Mais pour cela, qui est sorti en 2013, qui s'appelle Retour à la vie, l'accueil en Suisse romande d'anciennes déportées de la résistance française. Mais pour cela, il a fallu justement rencontrer Noëlla. Or, dans le fameux livre d'or, voilà que on trouve la signature d'un monsieur André Rouget. C'était pratiquement la seule signature masculine dans ce livre d'or. Et j'ai dit, mais André Rouget, je l'ai connu. Alors c'était un homme, un pacifiste convaincu qui avait organisé, je suis aussi pacifiste convaincu, et qui organisait des chantiers avec le service civil international à Genève. On allait repeindre des appartements, etc., dans les quartiers défavorisés de Genève, ça existe. Bon, et voilà, il avait signé dans ce livre d'or. Et quand j'ai essayé de le retrouver, parce que j'avais perdu de vue ensuite, quand j'ai essayé de le retrouver, je suis tombé sur son faire-part de l'essai, mais le faire-part de l'essai commençait par Madame Noëlla Rouget, et voilà. Et donc, c'était toujours la même adresse que je connaissais. Et donc, nous avons repris contact à ce moment-là avec Noëlla. Connaissez-vous au passage le livre de Dominique Jamais, intitulé « Un traître » qui raconte l'histoire de Vasseur, baptisé par l'auteur Jean Delos. Vous l'avez lu, ce livre ? Oui, oui, nous l'avons lu. D'ailleurs, aussi, Noëlla l'avait lu. Et c'est elle qui nous avait dit, oui, le portrait psychologique qui est fait de cet homme est assez juste. Oui. Moi, j'ai quand même regretté, alors évidemment, il passe par le biais du roman, mais j'ai quand même regretté qu'il prenait des libertés avec l'exactitude des faits. Par exemple, la grâce, il l'a fait intervenir plus tard, il mélange un peu ça j'avais trouvé dommage, mais c'est toujours la question de la fiction, oui, et face à l'histoire. Mais c'est compensé par une belle écriture, et puis finalement les deux livres, le vôtre et le sien, sont peut-être complémentaires. On se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Prudence, Offense. Et toi qui écoutes et qui regarde en silence, j'abrège tes souffrances, pardonne-moi mes offenses. I got so much on my mind. I've hurt you once, I'll hurt you twice. If I look straight into your eyes, Brigitte Échaquet-Monnier, je vais vous donner la parole pour cette question-là. Votre livre a été publié 10 ans après votre première rencontre avec Noëlla. Comment avez-vous travaillé avec elle dans la recherche d'archives, de témoignages, et dans quel état d'esprit surtout a-t-elle travaillé avec vous ? Alors, au début, lorsque nous l'avons connue, nous avons pu l'interroger comme toute personne. Elle avait une excellente mémoire. On a déjà travaillé, on est monté à Paris évidemment pour travailler dans les archives de la DIR. On a fait un travail assez classique. Par contre, pour le Noëlla Rouget, la déportée qui a fait gracier son bourreau, c'est devenu un peu plus compliqué parce qu'entre-temps, la mémoire de Noëlla s'était filochée. Et là, nous avons travaillé de nombreuses semaines en allant la voir tous les matins. pendant 2 heures à regarder les albums de photos. Elle en a de nombreux, elle a une vingtaine d'albums que nous avons vus et revus avec elle pour essayer de soutirer encore les derniers éléments de la mémoire ancienne en particulier. Ça a été un long travail, il a fallu, elle nous fait une grande confiance, nous avons établi une amitié solide. Et voilà, donc elle a pu livrer les dernières choses, elle a pu encore faire elle a pu rencontrer des journalistes encore l'année dernière, elle a encore reçu la Grande Croix et faire un discours. Enfin, vraiment, je crois qu'elle a été magnifique jusqu'au bout. Mais elle a une vraie volonté de témoigner, de tout dire. Alors, elle a toujours voulu témoigner. Nous avons encore fait une séance photo il y a un mois à peu près. Et elle a toujours accepté de rencontrer les jeunes, les moins jeunes, les professionnels. Elle a toujours accepté. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire avec elle. C'est qu'elle pourrait dire maintenant, OK, maintenant j'ai assez fait pour témoigner. Laissez-moi en paix. Mais non, elle aime vraiment beaucoup les rencontres avec les gens de manière générale et en particulier pour témoigner. Dernière question, mais oui, le temps passe vite, je suis désolé. Peut-être à Éric Monnier en tant qu'historien. Nous avons cherché des archives pour le procès de 1965, le procès de Jacques Vasseur. On en a trouvé, mais peu, comme si on ne voulait pas que ce procès soit retentissant en France. Quel est votre regard sur ce point ? Alors écoutez, il y a quand même des archives qui sont maintenant aux archives nationales, mais nous, on retrouve les interrogatoires, on retrouve le déroulé du procès, mais nous, nous avons bénéficié du fait que Noëlla avait à l'époque collecté soigneusement toute la presse, et en particulier la Ouest-France, le Courrier de l'Ouest, les journaux de la région, qui ont rendu compte de manière quotidienne du procès. Donc là, nous avons eu ces archives, puis nous avons eu cette extraordinaire correspondance, enfin, les lettres qui ont été lues au président du tribunal et ensuite au général de Gaulle, et puis cette correspondance extraordinaire avec Vasseur, quoi. Ça, ce sont des trésors que nous avons trouvés, mais alors justement assez tardivement, parce que pendant toutes les premières années où on l'a connue, elle nous a pas trop livré ces documents-là. C'est vrai que le premier livre était centré sur le séjour en Suisse, sur la dire, mais ces documents-là ne sont arrivés qu'ensuite, quoi. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre interrogation. Si, bien sûr. Bien sûr. En tout cas, merci infiniment, Éric Monnier, Brigitte Échaquet-Monnier. Je rappelle le titre de votre livre, qui vient vraiment de paraître juin dernier, c'est hier. Ça s'appelle Noëlla Rouget, la déportée qui a fait gracier son bourreau aux éditions Talendier. Merci, madame. Merci, monsieur. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Noëlla Rouget, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr, bien sûr. Merci à Adèle Caglard qui était à la technique aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Adrien Carat, Gaspard Valu, Margot Pinel et Constance Villanova. Attaché de production, Rebecca Denante. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Lecture, Aurélien Labruyère, Clémence Thioli et Cécile Ribocaillol. Réalisation, Marion Lelay, Hélène Bizio et Benjamin Riquet. À suivre, bien sûr, après le flash de 16h, Pop Pop Pop avec Antoine Decaune. Bonjour Antoine, quel est le programme aujourd'hui ? Fabrice, dans un instant, un invité exceptionnel, Bruce Springsteen, et un petit scoop au passage, il m'a confié vouloir venir vous voir sur scène au théâtre Tristan Bernard. Ah, le siège est réservé, siège F10 orchestre 6e rang, plein centre. Merci Antoine, à tout de suite.